Psaume 27. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Lorsque les méchants, mes adversaires et mes ennemis, m'ont approché, se jetant sur moi pour manger ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand toute une armée se camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. S'ils s'élèvent guerre contre moi, j'aurai confiance en ceci. J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la requérai encore, c'est que j'habite en la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la présence ravissante de l'Éternel, et pour visiter soigneusement son palais. Car il me cachera dans sa loge au mauvais temps, il me tiendra caché dans le secret de son tabernacle, il m'élèvera sur un rocher. Même maintenant ma tête s'élèvera par-dessus, mes ennemis qui sont alentour de moi, et je sacrifierai dans son tabernacle des sacrifices de cris de réjouissance, je chanterai et psalmodierai à l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, et m'exauce. Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne rejette point en courroux ton serviteur. Tu as été mon aide, ô Dieu de ma délivrance, ne me délaisse point, et ne m'abandonne point. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, toutefois l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, et me conduis par un sentier uni, à cause de mes ennemis. Ne me livre point au désir de mes adversaires, car de faux témoins, et ceux qui ne soufflent que violence, se sont élevés contre moi. N'eût été que j'ai cru que je verrais les biens de l'Éternel en la terre des vivants, c'était fait de moi. Attends-toi à l'Éternel, et demeure ferme, et il fortifiera ton cœur, attends-toi, dis-je, à l'Éternel.